Dieu seul pourrait me dire quand tout semble fini, pourquoi il veut détruire les cœurs qu'il a unis. Pourquoi parmi des mille, c'est toi que j'ai trouvé. Pourtant, dans la grande ville, il y en avait tant à aimer. Pourrait me dire combien d'autres aurores l'amour qui nous déchire verra chanter encore. Mais Dieu sait-il lui-même là-haut si loin, pourquoi c'est toi que j'aime et que j'aimerai jusqu'à la fin. C'est toi que j'aime et que j'aimerai jusqu'à la fin.